14.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. C'est une merveilleuse matinée de printemps. Dans la cour de la Sorbonne, un jeune homme sourit à une jeune fille. Elle lui rend son sourire. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il crie? Pourquoi est-ce qu'il manifeste? Je ne sais pas, mais il a sûrement raison. C'est vraiment beau, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle matinée. Vous êtes étudiante? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Dans la cour de la Sorbonne, un jeune homme sourit à une jeune fille. Un jeune homme sourit à une jeune fille. Elle lui rend son sourire. Qui sont ces deux jeunes gens qui sourient dans la cour de la Sorbonne? Mireille et Robert. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que Robert dit à Mireille pour engager la conversation? Il dit « Excusez-moi, mademoiselle ». Pourquoi est-ce qu'il manifeste? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il manifeste? Je ne sais pas. Mais ils ont sûrement raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont sûrement raison. Ils ont sûrement raison. Est-ce que Mireille sait pourquoi les manifestants manifestent? Non, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle pense qu'ils ont tort? Non, elle pense qu'ils ont raison. Il fait vraiment beau, n'est-ce pas? Il fait vraiment beau. Oui, c'est une belle matinée. Une belle matinée. Est-ce qu'il fait beau ce matin-là? Oui, il fait vraiment beau. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Oui. Mais vous n'avez pas d'accent du tout pour un américain. Vous êtes bien gentil de me dire ça, mais vous savez, je n'ai aucun mérite. Ma mère est française. Ah, votre mère est française? Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Moi, je viens des États-Unis. Des États-Unis. Je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Vous êtes américain. Vous êtes américain. Ah, vous êtes américain. D'où vient Robert? Des États-Unis. Pourquoi Mireille pense-t-elle que Robert est américain? Parce qu'il vient des États-Unis. Eh bien, vous n'avez pas d'accent du tout. Vous n'avez pas d'accent. Vous n'avez pas d'accent. Vous n'avez pas d'accent du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous n'avez pas d'accent du tout. Est-ce que Robert a un accent américain quand il parle français? Non, il n'a pas d'accent du tout. Je n'ai aucun mérite, ma mère est française. Je n'ai aucun mérite, aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Ma mère est française. Ma mère est française. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Je parlais toujours français. Je parlais français. Je parlais toujours français. Je parlais toujours français avec elle. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Pourquoi Robert n'a-t-il aucun mérite à bien parler français? Parce que sa mère est française. Qu'est-ce que Robert parlait avec sa mère quand il était enfant? Français.